De qui parlez-vous demain? C'est la chance au coureur. Bienvenue à la chanson coureur, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues à C'est fou 89.1 FM depuis les 7 derniers jours. Mon nom est Mathieu Plante. On commence cette semaine par un artiste qui se nomme Ben Rusty. Décari est le premier extrait de cet artiste. On l'entend tout de suite et on revient à la chanson coureur. Quoi qu'il advienne, les planètes s'alignent vers la sienne. Son odeur me rend fou. Mais sa chaleur me fait bouillir. J'ai les jambes qui me shake, pis l'amour dans le sang. Je suis en train de dire que moi, c'est pour les next 100 ans. Me rappelant la nuit où l'on faisait semblant de vivre pour un instant, pour chaque moment. Maintenant que le monde est monde et que le temps s'étend, je la regarde qui défie le duo de mes rêves les plus beaux, les plus parvenus qu'on ait jamais vu, non. Ben Rusty avec Décari, un premier extrait pour cet artiste émergeant d'une scène alternative où il a su se charmer une foule exigeante en mal d'authenticité et de fraîcheur. Le jeune auteur-compositeur-interprète francophone Ben Rusty offre Décari au public québécois. Un premier extrait issu de l'album 69-69, Coin des Pins. Une première œuvre, selon le dossier de presse, le communiqué étonnamment efficace et mûr à paraître au printemps 2007. Dévoilant, oui, une voix singulière, un sens mélodique aigu conjugué d'une appréciable sincérité, Ben Rusty propose un extrait rafraîchissant et accrocheur, une histoire d'amour anticonformiste. Voilà, donc Ben Rusty, c'est le nom de l'artiste. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, ben allez chercher Prochain artiste qu'on s'en va entendre, c'est le Danny C. Band avec 3 singles radio plus 4 enregistrements démos inédits avant l'enregistrement. Je suis certain que vous salivez d'envie d'entendre ça. On va entendre donc quelques-uns de leurs singles radio. C'est sur alkalineproudaction.com si vous voulez plus d'infos. Alkaline, A-L-K-L-I-N-E, proudaction, P-R-O-U-D, action.com. C'est une très belle adresse à dire comme ça. Donc voici le premier extrait qui se nomme « Si c'est vrai », les deux autres s'appellent « Mémoire » et « Faut croire à la chance au coureur ». Attention, voici un message d'intérêt public. La station de radio CFOU 89.1 FM désire informer le public qu'elle procède actuellement à une période d'essai en vue d'augmenter sa puissance de diffusion sur la bande FM. CFOU 89.1 FM diffuse à partir de son antenne localisée au 3351 Boulevard des Forges, Trois-Rivières, Québec. Cette période d'essai sera d'une durée de 21 jours à compter du jeudi 8 février jusqu'au mercredi 28 février 2007. CFOU 89.1 FM désire également informer le public qu'en cas de problème de brouillage, les personnes doivent signifier leur plainte en communiquant par téléphone à Radio Campus des étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières, CFOU 89.1 FM, au numéro de téléphone suivant 819-376-5184, poste 5, ou par courriel à l'adresse dgcfou@commercialuqtr.ca. Les vendredis soirs de 17h à 20h, c'est les Palmarès C'est Fou. Mathieu Plante vous présente les 30 pièces francophones et anglophones les plus jouées sur les ondes de C'est Fou pendant la semaine. Les palmarès, c'est fou. En direct les vendredis soirs de 17h à 20h. Aujourd'hui, Trois-Rivières. Demain, le monde. La Corporation de développement culturel de Trois-Rivières présente Stéphane Fallu le samedi 10 février 2007 au Nouveau Théâtre du Cégep de Trois-Rivières. L'humoriste aux multiples apparitions arrive avec son tout nouveau spectacle où il expose ses réflexions sur notre monde et le sien en abordant des sujets tout aussi variés qu'actuels, faisant rire au passage sur notre quotidien à tous. Stéphane Fallu, un tout premier spectacle à ne pas manquer. Achat téléphonique 380-9797, internet au ovation.qc.ca ou encore à la billetterie le soir du spectacle. La fièvre du hockey frappe le resto-bar Jack and Jill tous les méchants mardis. Du jamais vu. Dans le cadre des méchants mardis, le Jack and Jill t'offre un produit Bud Light gratuit pour chaque but du Canadien. Oui, oui, t'as bien compris. Un produit Bud Light gratuit pour chaque but du Canadien. Parle-en à ta gang et profite de notre service de navette à partir du cégep. Les méchants mardis du resto-bar, le Jack and Jill, une présentation C'est fou 89.1. Tous les mercredis, dans le cadre de votre émission du retour dans le trafic, ne manquez pas la chronique La Barrique en compagnie de Louis Rousseau et Xavier Beaupré. Pour en apprendre davantage sur le monde de la bière, des microbrasseries québécoises aux bières importées, sans oublier les produits du terroir et votre promo étudiante de la semaine, écoutez la chronique La Barrique, tous les mercredis 16h30. Écoutez la musique de demain. Aujourd'hui, c'est fou 89.1. L'envie de me prendre en main, le désir d'embellir mon avenir. Un vent de liberté, l'envie de tout changer. Je veux faire la paix avec mon passé. Enfin, v'là le soleil. Où qui se cachait quand que je buvais? Où qui se cachait quand qu'il pleuvait? Enfin, v'là le soleil. Y'a plus rien pareil. J'vois plus clair, j'vais faire du bruit. Comme tout le monde, j'ai mis ensemble. Comme tout le monde, j'ai mis faiblesses. J'me dis qu'aujourd'hui, tu seras mieux qu'hier. Pourquoi que tu voulais malheureux? Pourquoi que tu voulais ceux qui font de leur mieux? Rêve à un jour, rêve à d'embellir mon avenir. Un vent de liberté, l'envie de tout changer. Je veux faire la paix avec mon passé. Vous êtes assis 89 ans. pièce du Danny C. Band. À la chance aux coureurs, on vient d'entendre Faut croire, juste avant, c'était Mémoire. Et si c'est vrai, sur leur album, ça dit du rock à l'état pur et apparemment pur et maintenant féminin. Tel qu'entendu à la radio, vous pouvez aller voir le site alcalineproudaction.com, Alcaline avec un K. Ils vont être au en spectacle au bistrot côté sud de Gentilly pour 8$ le 16 février prochain. Sur le site de Alcaline Production, vous pouvez cliquer sur l'icône d'Alice Band pour aller voir des informations sur le booking, des photos, des spectacles et l'album en MP3. Donc allez voir, encore une fois, Alcaline Production. Je sais pas comment le prononcer tellement le Proud Action fait anglophone, j'ai tendance à dire Alkaline. Enfin, on a reçu un nouveau CD des Résidus Plasmiques, très très heureux de l'avoir reçu et je vais lire directement sur le disque parce que c'est très intéressant. Il était une fois un petit groupe de musique incongru qui fit parvenir un single de la Saint-Valentin à des radios intéressantes, donc non commerciales. Il arriva qu'à une des émissions, je me demande laquelle, on annonça par erreur que le single faisait partie d'un futur album de la Saint-Valentin. Que faire? Un album, voyons. Et voilà la belle histoire de la naissance de cet album hybride composé de nouveaux morceaux selon la tradition plasmique et de vieux morceaux regroupés dans une compilation thématique comme c'est pratique courante dans l'industrie du disque. Donc, ceux qui connaîtraient pas les Résidus Plasmiques, ben, c'est Claude Giroux au familleCG.com et à chaque quelques mois, il nous envoie un CD de par rapport à un événement, quelque chose qui arrive dans la vie, l'hiver, le retour en classe, etc. Et là, la Saint-Valentin, donc la chance au coureur, la semaine passée, il y a 2 semaines, avait par erreur mentionné que le single faisait partie d'un album complet de la Saint-Valentin qu'on recevrait. C'était pas vrai du tout. Ça m'arrive fréquemment. Donc, ben là, il nous en a fait un juste pour nous. Donc, on va aller écouter quelques pièces de ça. On va savourer ça avec entrain. Comme toujours, on adore les Résidus Plasmiques ici. On écoute une pièce pour commencer qui s'appelle Z. Et là, c'est écrit comme ça. Zessante pour les matantes. Mettant en vedette le crooner à la cravate érotique. Il y a d'autres pièces sur l'album, dont musique pour écouter pendant la lecture d'un testament d'un cheval. Hein? Noël au lit. Fais pas peur à ma tante. Les vidanges passent avec le seul et vrai, l'unique donne puant. Donc, on va regarder quelles pièces on va écouter selon les titres les plus intéressants. Et tout de suite, voici Zessante pour les matantes. Zessante pour les matantes. J'ai fait quelque part. Mon Dieu, qu'elle aimait ça. C'est même mon complet bleu. Une cravate avec un bon nœud. C'est barbe du ciel bleu. À l'instant crucial, je dis le mot amoureux. Descente pour les matantes. Et quand j'ajoute de la mandoline, elles ont les yeux dans la graisse du lit. C'est fou ce qu'on peut faire avec un regard bavard. C'est fou ce qu'on peut plaire avec une loupe des gaillards. Quand je parle de nostalgie, j'ouvre ma chemise, c'est le moment tragique. Descente pour les matantes. Et quand je danse, mesdames, applaudissons chaleureusement le chanteur à la cravate érotique. Eddie Poupée, tu veux m'apporter avec toi à la maison? J'ai pour toi une grande caleçon. Allez, allez, Poupée, laisse-toi aller, oublie tes inhibitions. J'ai vois déjà tes mamelons. Allez, allez, Poupée, laisse-moi apporter mes mains velues sur tes parties nues. Laisse-moi laisser toi, j'ai t'en prie, Poupée. Au moins, accordez-moi un café, Poupée. Qu'est-ce que tu veux pour la Saint-Valentin? Des catins, des catins, des catins. Si ça marche pas, je me contenterai de putain, de putain, de putain, de putain. dans son lit, il dit j'acte. Mon autrefois, il y aurait poigné un peu mieux. À cette époque, il était beau, il y avait des cheveux. Mais il était bien trop niaiseux. Les courriers du cœur, il est trop net. L'internet, manque de vite. Le speed dating, il est trop slow. Les croisières, c'est pas nager. Et il faut dire qu'il a ici un peu tout contre lui. Un gros nez, une moustache, des grands pieds. Il ne sait pas danser, ni cuisiner. Et pourtant, lui seul sait bien que dans son petit cœur en fleurs, il y a des tonnes d'amour et de chocolat à offrir à toutes celles qui... Aïe, ta gueule, on veut danser! Quel dommage d'avoir sur le marché des types comme ça, privés de leur envie de dépenser en cette belle fête de l'amour, s'écrient les commerçants de toutes sortes. Il faut l'aider vite, organisons-lui un téléthon au profit de la recherche de l'âme sœur. Ici, nous avons une madame de Matagaliche qui offre une heure de son temps moyennant $350. Elle accepte les cartes de crédit et elle lance un défi à toutes les madames de Matagaliche. En désespoir de cause, le pauvre oncle s'est tourné vers la religion. Faites brûler l'ambiance. C'est fou. Les séquelles. peur, tes peurs, le comptable, la table, les patères, ta mère, le piano, le patio, la tente, la crème de menthe, le savon, le jambon, le garage, la rage. Je garde le barbecue, ainsi que les films de cul. Trois pièces du nouvel album Le Massacre Suave de la Saint-Valentin des Risques du Plasmique. Ici, la chance au coureur. On vient d'entendre donc ces trois pièces, nommons-les. Le divorce pour les nuls, précédé de la Saint-Valentin de l'oncle Bidet. Et on a commencé avec Zécente pour les matantes, mettant en vedette le crooner à la cravate érotique. Il nous reste encore une dernière pièce à passer des Risques du Plasmique, mais avant, j'ai retrouvé la lettre qui nous a écrit personnellement ici à la chance au coureur. Et permettez-moi de vous la lire avec ma meilleure voix de Claude Giroux possible. Allô? À la chance au coureur du 2 février, il fut annoncé qu'il y aurait un album des Risques du Plasmique de la Saint-Valentin. Eh bien, qu'il en soit ainsi. Ce n'était peut-être pas prévu au départ, voir dans la pochette la touchante histoire de la naissance de cet album que j'ai raconté tantôt. Mais voici le massacre suave de la Saint-Valentin. Espérons qu'il arrivera à bon port à temps. Sinon, le coupable a déjà été désigné à l'avance. Ce sera la faute de Post Canada. On sait que Post Canada, c'est eux qui nous envoient tous nos disques. Et cette semaine, en camion déboire. Hein? Donc, ça a très bien arrivé à destination à temps. Et ça s'appelle encore une fois le massacre suave de la Saint-Valentin. Vous pouvez aller télécharger les MP3 gratuitement sur famillecg.com, www.famillecg.com. On continue avec une dernière pièce, la quatrième de l'album qui s'appelle « Les vidanges passent ». Hein? Et le thème des boueurs, c'est là que je l'ai pris. Avec le seul, le vrai, l'unique, donne puant à la chance. Au coureur! Mais oui, c'est le seul, le vrai, unique, don puant. Pardon, ton puant. Les vidanges passent, et je te jette. Les vidanges passent, dont je ne regrette. Toi, le fauteuil pliant, c'est plus long sur mon cul que toutes les femmes que j'ai connues. Les vidanges passent, tes écrits restent. Les vidanges passent, et je vous jette. Les vidanges passent, les écrits restent. Les vidanges passent, et je vous jette. Tous les souvenirs de mon voyage feuilleté que j'ai rapporté dans une honteuse madame. Les vidanges passent, les écrits restent. Les gouvernements passent, la police reste. Les vidanges passent, les écrits restent. Les vidanges passent. Oh,

droit de l'Outaouais. La formation punk metal Uco ici à la chanson coureur. Vous pouvez avoir plus d'informations sur eux au myspace.com/UcoBand, UKKO Band, ou encore au uco.ca. Mais bon, comme je le disais, un band de punk metal, leur extrait Pour qui, pourquoi est sur leur MySpace. Les membres sont Flame à la guitare et la voix, Ray à la guitare, Mo à la bass et Co à la batterie et aux back vocals. Leurs influences, New Fan, Millen Collin, Bad Religion, Offspring et Sum 41. Et puis, c'est un groupe indépendant, donc c'est très bien pour eux. Uco, j'aime ça, ça sonne très bien. Donc, Eric Martin, non, ça c'est pour le band précédent, je m'excuse. Donc, band précédent juste avant Uco, parlons un petit peu quand même de Maraudeur. On a entendu un extrait, un single, Carence de leur part. Le band est composé d'Eric Martin à la guitare, Mathieu Monfette à la voix et la guitare, Jérôme Martin à la guitare, Francis Lagueux à la basse et David Hébert à la batterie. Maraudeur, définition. Quelqu'un qui erre, qui rôde avec un but dans l'âme, qui traque un idéal, un état fugace, volatile, l'attente et la quête désespérée du bonheur, proie insoumise. Maraudeur, c'est cet esprit nébuleux recherchant son semblable par le biais des paroles et de la musique. Donc ça, c'était la pièce que vous avez entendue avant d'entendre Uco. Si vous voulez plus d'informations sur Maraudeur, allez voir le maraudeur.com, M-A-R-A-U-D-E-U-R.com. Mais bon, maintenant qu'on a passé au travers de Maraudeur pour vrai, revenons à nos amis de chez Uco. La prochaine pièce qu'on va entendre, en fait, c'est le prélude et la première pièce qui est dans le fond la deuxième de l'album « Le bonheur est dans la boîte ». Ça vient de leur nouvel album qui s'appelle « En pleine face ». On va écouter ça, et puis tantôt on avait écouté, je reviens en arrière, j'arrête pas, « Les résidus plasmiques » tantôt, le nouvel album, comme je l'avais dit, s'appelle... Pardon, je l'ai juste ici... Hein, voilà. Il s'appelle Le massacre suave de la Saint-Valentin des résidus plasmiques. Allez voir lefamillecg.com. Et je me disais, on le passe tellement souvent qu'on devrait vraiment lui demander de faire une collaboration avec nous et peut-être faire une compilation avec des tunes qui ont rapport avec la chanson courant. Peut-être des chansons thèmes. Ce serait vraiment drôle. On en reparlera. Mais pour l'instant, Uco, l'album En pleine face. Voici tout de suite le prélude et Le bonheur est dans la boîte. Ça se passe maintenant à la chance au coureur. Spécial comme émission aujourd'hui. Ça, c'était la dernière pièce Syndrome de Dirk Hammer. Je voulais vraiment entendre pour vrai. Pour vrai. Le prélude et le bonheur est dans la boîte. Vous écoutez l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique n'importe comment les nouveautés musicales reçues à C'est fou cette semaine. C'est la chance au coureur. Le bonheur est dans la boire de la formation de l'Outaouais UCO. Ça va être, il nous reste seulement le temps pour une dernière pièce pour cette première heure, mais avant, je voulais quand même vous dire qu'ils vont être en spectacle le 23 février, du côté du bistrot côté sud de Gentilly, à même pas 10 minutes de Trois-Rivières sur la rive sud avec les Gobs Stoppers. Donc encore une fois, le 23 février 2007 au bistrot côté sud de Gentilly. On se laisse pour la fin de cette première heure avec la pièce Pédocratie 101 de leur album En pleine face. Et dans la deuxième heure, on va entendre entre autres la musique de Papillon, le nouvel album Pop Rap, de Jaune avec le plumage de Anaphora et un paquet d'autres affaires du côté anglophone. C'est à venir à la chance. Au courage! Deuxième heure de la chanson coureur, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues assez fou depuis les 7 derniers jours. En direct de ce vendredi matin, en reprise le jeudi après-midi, mon nom est toujours Mathieu Plante. On commence cette deuxième heure par un artiste qui se nomme Papillon. Son nouvel album s'appelle Pop Rap et on écoute tout de suite une première pièce. Elle se nomme Accro à la chanson coureur. Yeah. Dès aujourd'hui, c'est fou 89.1. De son nouvel album qui se nomme Pop Rap, ici à La Chance au Coureur, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues à C'est fou depuis les 7 derniers jours. Vous aimez ça? On va entendre encore quelques pièces de lui, mais avant, regardons un petit peu leur site web papillonrock.ca. son site web, voilà. Papillonrock.ca, comme je disais, il y a des spectacles là-dessus, la discographie, vidéo, liens, quelque chose comme ça. Il s'est dit qu'il va être en spectacle le mardi 13 février à Trois-Rivières, Joliette et Repentigny. Par contre, la salle n'est pas mentionnée dans le dans la section spectacle, donc en tout cas, il va être le 13 février prochain ici à Trois-Rivières. Et puis, ça dit que le rock dans le sang, le soul dans l'âme et le groove dans les hanches. Papillon a depuis toujours carburé à l'énergie brute de la faune urbaine. À la tête des Cherry Poppers de 89 à 95, groupe anglophone de la capitale dont les opus se font encore aujourd'hui le bonheur des discophiles, le jeune musicien se voutre dans la désinvolture, s'affichant dès lors comme une bête de scène sans compromis, délaissant de temps à autre les planches québécoises pour celles des métropoles américaines et européennes, nourri des rythmes des Stones, Stooges, AC/DC et autres Motor City 5, le papillon de nuit conquiert sans mal l'underground londonien, le downtown torontois et new-yorkais, écumant les bars sous différentes incarnations, MC Sin, Papi Taylor, Vival la White Bitch et The Act. Wow, superbe. Ayant désormais fait sa place, là, je saute à la fin, ayant désormais sa place dans la cour des grands et un titre sur les palmarès, Kung Fu Minou, Papillon n'en continue pas moins de flirter avec les souterrains, un monde qu'il affectionne particulièrement. Après avoir déniché l'endroit où tenir ses folles soirées, il inaugure en 2004 les Lundis à Papy, un concept novateur où les vieux loups de la trame des Franqueurs La Pointe et les Respectables, des amis de longue date, partagent l'affiche avec de jeunes et brillants rockeurs de la scène émergente. Si vous voulez lire le reste de la très longue biographie sur un site très très lent et difficile à manier, allez voir le papillonrock.ca. C'est pas très évident, mais quand même. On écoute une autre pièce tout de suite. Elle se nomme Histoire de pêche. Voilà ce qu'on s'en va entendre tout de suite. À la chance, au coureur. Rien de plus que ça. Yeah. Attention, voici un message d'intérêt public. La station de radio CFOU 89.1 FM désire informer le public qu'elle procède actuellement à une période d'essai en vue d'augmenter sa puissance de diffusion sur la bande FM. CFOU 89.1 FM diffuse à partir de son antenne localisée au 3351 Boulevard des Forges, Trois-Rivières, Québec. Cette période d'essai sera d'une durée de 21 jours à compter du jeudi 8 février jusqu'au mercredi 28 février 2007. CFOU 89.1 FM désire également informer le public qu'en cas de problème de brouillage, les personnes doivent signifier leur plainte en communiquant par téléphone à Radio Campus des étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières, CFOU 89.1 FM, au numéro de téléphone suivant 819-376-5184, poste 5, ou par courriel à l'adresse dgcfou@commercialuqtr.ca. La Corporation de développement culturel de Trois-Rivières est fière de présenter, dans le cadre de la série Musique du monde, la formation Manouche. Le groupe sera de passage à la salle Anaïs Alarousseau le 16 février à 20h. Porteurs d'une musique chaude et dansante, les six joyeux bohémiens formant Manouche décoiffent par leur énergie et leur rythme survolté. Tantôt langoureuse, tantôt explosive, leur musique transporte l'auditeur dans un univers énigmatique teinté d'accents d'Europe de l'Est, terre d'émergence des tziganes de ce monde. Alliant clarinette, violon, tambour, accordéon, guitare et contrebasse, leurs compositions, de technicité impressionnante, sauront faire jaillir en vous mille images de ces peuples lointains. Laissez-vous emporter par le tourbillon Manouche, vendredi le 16 février, à la salle Anaïs Alarousseau. Attention, attention! Ce message est à l'attention des conducteurs. AlternativeAuto.ca, service de covoiturage. Aucun frais d'abonnement, aucun frais d'utilisation. Fixez votre tarif. Profitez de notre service illimité en tout temps. Alternative Auto, la meilleure façon de voyager au Québec. Inscrivez-vous dès maintenant, alternativeauto.ca. Les Mexiques à Trois-Rivières, ça se passe au Resto Bar Los Cactus. Venez déguster les meilleures fajitas, tacos au son de la música latina. Jeudi, salsa mania. Vendredi, samedi, venez pratiquer vos pas de danse au cours des soirées fiesta avec DJ et bandes latino différents à chaque fin de semaine. Resto Bar Los Cactus, 268 rue Desforges. Pour réservation, 819-376-4571. Hey, les quatre cons du monde! L'émission qui passe d'escale en escale. À la main, un cocktail de musique éclectique. Les doigts de pied en éventail, autour en évitant les têtes carrées. Venez passer 2 heures de musique du monde et francophone tous les lundis de 13h à 15h. Sur C'est Fou, 89.1 FM. C'est Fou avant tout le monde. La musique de demain, aujourd'hui, 89.1 FM. Les autres n'ont La chasse au coureur continue avec une autre pièce de Jaune. Voici Joue-moi encore de la guitare sur C'est fou 89.1. La chance au coureur. Yeah. Joue-moi encore de la guitare. Réveille-moi avec un autre accord. Ouvre mes oreilles avant mes yeux. Je veux plus voir mes bleus. Joue-moi encore de la guitare. Tous les fois que tu es à gauche, chante. Tous les fois que tu fais trop bruit. Le monde s'est pas de gris. Fais-moi donc chanter. Avec ta bonne humeur à temps partiel, j'ai du l'air d'un arc-en-ciel. Un matin, le soleil est chaud, mais moins que toi hier après ton show. J'ouvre la fenêtre, pis y'a pas d'air. Amène-moi dans tes yeux verts. Joue-moi encore de la guitare. Toutes les fois qu'il y a gauche fort. Toutes les fois que tu fais trop bruit. Ne moi c'est le pot gris. Fais-moi l'enchanter. Pour que je puisse te faire craquer. Avec ta bonne humeur à temps partiel. Tu te l'air d'un arc-en-ciel. Jaune avec deux pièces de leur nouvel album qui s'appelle Le Plumage. On a entendu Le Plumage, la pièce titre, et Joue-moi encore de la guitare. L'arrivée de Danny Janvier en studio. Oui, puis on voit l'anus de l'oiseau. Excuse, pardon? On voit l'anus de l'oiseau. La quoi donc? L'anus. L'anus. L'anus. Une dernière fois, ça en va à faire 10. L'anus. Okay. Oui, c'est vrai, on voit les... on l'a dit le plus de fois possible, c'est ce qu'on voulait. Anus. Le Plumage, les noms de l'album, sur leur site au jaunemusique.com. Hey, jolie la fille en plus. Ah, c'est honnêtement, je disais tantôt. Tombe en amour. La plus belle fille ou une des plus belles filles que j'ai vues de ma vie. T'es tombé en amour une 17e fois cette semaine. Ben oui. Stéphanie Blanchette à la voix, Raphaël Rio à la guitare et la téléphone. À la guitare et la voix, Maxime Racicot à la basse, la guitare et l'échantillonnage de voix, Pat Boone au violon et la mandoline et Gabriel Lemieux-Maillé à la batterie sont les membres de ce groupe qui s'appelle Jaune. Ils vont être en spectacle à Montréal le 20 février, à l'École Montcalm de Sherbrooke le 23, le 2 mars au Téléphone Rouge de Sherbrooke. Pour l'instant, aucun passage à Trois-Rivières. L'album est sorti le 2 février sur les tablettes des bons et moins bons disquaires du Québec. À la suite de cette sortie, le groupe reprendra la route pour une deuxième série de spectacles. Vous pouvez aller voir la section Prochains spectacles du site pour plus d'informations. Il y a aussi un blog, un paquet d'informations sur le groupe. Et puis, il y a des sections pour télécharger des MP3 pour regarder... Oh, des photos, attention. Photo du groupe. Ah, j'aime ça, ce site-là, jaunemusique.com. Très bien. Tout un sourire, hein, le soleil qui nous sourit. Contrairement à l'anus. Sanus? On est tellement mature aujourd'hui. Jaune, Le Plumage, voilà qui fait le tour de ça. Prochaine formation qu'on s'en va entendre dans quelques secondes, ça va être la formation Anaphora. Leur nouvel album s'appelle Après les rêves. On va entendre une pièce qui s'appelle Chapitre 1, La nuit me condamne. Et puis après ça, peut-être une autre pièce si on aime ça. Après les rêves, c'est la plate réalité. C'est vrai, on aime ça, nous autres, la réalité. C'est... La chance au coureur sur C'est fou 89.1. We'll be right back. On transitionne vers un autre album de Hugo. On les a entendus précédemment dans l'émission en francophone avec leur album. Maintenant, on a reçu un autre album anglophone, Time Has Come. Ce qu'on écoute, c'est The Fight Song. Tout de suite, à la chance. Is made of steel, and I know you'll never be safe. Just fight for your sake. Ruthless innovators try to take the double over the fence to enhance your defense. Brandish your swords to protect the Lord. Legion with spears as bad as we see. Battle orders follow me, we'll win the victory. We'll fight for your throne and make it our own. Is made with steel, and I know regression in action that leads to destruction. Frozen in time, sadness, desire, you're smashing and stride. You took our pride, you took our freedom, but you want people to take this fight on. It's driven in our minds, founding again and again and again. We'll fight for your throne. On termine ça avec une dernière pièce de Hugo. Voici Freak Show dans leur seule et unique chance. Yeah. trois pièces de la formation de l'Outaouais Uko dans le punk metal, les pièces Battlefield, The Fight Song et Freak Show de leur album Time Has Come. Uko, on a reçu un album francophone, un album anglophone de leur part cette semaine. C'est un groupe prolifique. Et proliférant. Proliférant. Ils sentent bon. Je dirais Cynthia. Cynthia, c'est son. C'est elle, elle a dit ce mot-là souvent. C'est, proliférant. Proliférant. Ben, on va en parler ce soir au palmarès. OK. On va nous dire qu'est-ce que ça veut dire. C'est confusant, ça. C'est très confusant. Ouais, écoutez les palmarès, c'est fou ce soir pour peut-être entendre des groupes que vous entendez à la chanson au courant. On les propulse, on les patauge. Jusque-là, c'est les vendredis soirs de 17h à 20h. On les kick. Kick that. Prochaine formation qu'on s'en va entendre, c'est The Bella Bombs avec leur album Liquid Explosion. Les membres sont sympathiques. Lui, elle et l'autre. Annie Baum à la guitare et la voix. E Baum à la guitare, la lead guitar et les backing vocals. Turbo Baum à la bass guitar et les backing vocals. Et un autre qui a pas le mot Baum, Suspect Device, un appareil suspect. La batterie. Il a l'air d'avoir un appareil suspect. Le Bella Bombs. Pareil pour les dents. L'appareil dentaire. Ah ouais, c'est ça que je voulais dire. On va entendre une pièce d'eux qui s'appelle Doubt, ici à la chanson courant. Et puis ensuite, on entendra d'autres pièces. C'est toujours dans le superbe, l'incroyable bloc punk de la chanson courant. Avec Danny Janvier et Mathieu Pellin. Non! Non! Chance! Oh! Attention, voici un message d'intérêt public. La station de radio CFOU 89.1 FM désire informer le public qu'elle procède actuellement à une période d'essai en vue d'augmenter sa puissance de diffusion sur la bande FM. CFOU 89.1 FM diffuse à partir de son antenne localisée au 3351 Boulevard des Forges, Trois-Rivières, Québec. Cette période d'essai sera d'une durée de 21 jours à compter du jeudi 8 février jusqu'au mercredi 28 février 2007. CFOU 89.1 FM désire également informer le public qu'en cas de problème de brouillage, les personnes doivent signifier leur plainte en communiquant par téléphone à Radio Campus des étudiants de l'Université du Québec à Trois-Rivières, CFOU 89.1 FM, au numéro de téléphone suivant 819-376-5184, poste 5, ou par courriel à l'adresse dgcfou@commercialuqtr.ca. Deux pièces de Bella Bums, un groupe de l'Ontario qui fait étrangement le punk rock, vous l'avez peut-être deviné en l'écoutant. L'album s'appelle Liquid Explosion, les pièces étaient Doubt, et puis on vient d'entendre Super Glue Beauty Queen, et vous pouvez aller voir le myspace.com/TheBellaBums, ou encore leur site web au TheBellaBums.com, Bella avec deux L et Bums en anglais. Comme je l'ai dit tantôt, les membres Honeybomb, E-Bomb, Turbo Bomb et Suspect Device. S'il y en a un à changer, c'est lui qui va c'est faire. C'est ça, c'est comme le rejet de la... Non, c'est pas vrai. Prochain groupe qu'on s'en va entendre, c'est Maybe Next Year, avec Back to the Start. Ils nous ont écrit personnellement la chanson coureur pour nous dire « Nous sommes bons, passez-nous ». On vous aime. On vous aime. Ils nous ont envoyé un EP de 6 pièces, mais parlons un petit peu d'eux avant de les faire jouer. C'est un groupe d'alternatifs pop-punk électro de Montréal, donc très proche. Donc on les aime encore plus. Plus c'est proche, plus on les aime. Donc, les membres sont Alex à la voix, Matt à la guitare et Mose à la batterie. Ils sont toujours pas signés. Leur site web est sur maybenextyear.net ou myspace.com/MNY. Faites attention, n'allez pas sur le myspace.com/maybenextyear parce que c'est un autre groupe mort des États-Unis. Eux, c'est /MNY. On va entendre la pièce... Une pièce qui s'appelle Back to the Start. Oui, c'est bien ça. C'est la deuxième. C'est sur leur EP. C'est leur pièce titre. Et plus tard dans l'émission, dans la troisième heure... Oui, on va voir Maxime Robin qui sort son premier vrai album. Il a sorti plusieurs trucs, mais première vraie sortie, donc, est distribuée par Local Distribution. Et un autre créateur de Trois-Rivières, eh bien, le projet Mitra. Ça va être de l'électronique spéciale. Un peu déconstruit, en même temps planant. On va voir, on va découvrir ça ensemble. Dans la troisième heure, mais tout de suite, voici Maybe Next Year avec leur pièce titre Back to the Start à la chambre. Oh, ouais. Wanna be, don't matter if you can't sing, as long as you're naughty. For now, still a waitress, till the day you lose that dress. Who says you're not gonna make it? Just like shooting stars. didn't wanna be. Don't matter if you get dead, just shake it, just shake it. So now moving out of Vegas, you're going to Hollywood. Fake breast and you're on TV. Retour, c'est la troisième heure de la chanson coureur, l'émission qui découvre, analyse, critique et décortique les nouveautés musicales reçues à C'est fou 89.1 FM depuis les 7 derniers jours. Cette semaine, on les a reçues en camion déboire, Danny, je te renseigne. Ah, ça va avec toute la merde okay. La semaine passée. Donc, Danny Janvier, Mathieu Plante avec vous pour Bonjour. Découvrir ces nouveautés. Et Danny, cette semaine, a reçu particulièrement deux choses qui nous intéressent vraiment. Oui, deux créateurs de musique électronique de Trois-Rivières, ce qui arrive assez rarement. C'est ça, oui. On a premièrement, bien sûr, la sortie de Maxime Robin, première sortie officielle de ce créateur. Ça fait quand même longtemps que Maxime roule sa bosse, depuis plusieurs années. Il nous a sorti plusieurs maxi, plusieurs simples, plusieurs singles, plusieurs trucs qui sont en vente même sur bluetracks.ca pour les intéressés. Et cet album qui s'appelle Maxime Robin is a Town Tempo Kind of Guys, qui sera en vente partout parce que c'est distribué par Local Distribution, donc dans tous les bons et les moins bons disquaires, comme tu te plais à le dire. Et qu'est-ce qui est le fun sur le CD de Maxime, c'est qu'il y a un bonus vidéoclip. Ah, je l'ai vu, il est vraiment génial, le vidéoclip. Faut que vous vous procurez quasiment le CD, c'est juste pour voir le vidéoclip. En passant, il est disponible aussi à voir sur son site internet qui s'appelle maximerobin.com. Et puis, pour les chanceux qui se rendent souvent aux soirées Kino, eh bien, on a eu l'occasion, le deux mois à peu près, de voir ce superbe travail avec un illustrateur qui s'appelle Pascal Blanchette, un illustrateur génial. En tout cas, vraiment. Il y a vraiment sa facture à lui. Ça fait dessin animé des années, je dirais, 50, peut-être 50. 40, 50 ouais. Ça me faisait penser à Gerald McBoing Boing, le dessin animé vraiment drôle, en tout cas. C'est vraiment une beau facture rétro là, de dessin animé. Très, très bien. Avec la musique de Maxime, qui est un genre de hip-hop ambiant, déconstruit un peu à la Prefuse 73. En tout cas, il y a vraiment son à lui, Maxime. Le best, c'est, je pense, d'aller écouter justement la pièce de ce vidéo qui s'appelle Carlos, My Name Is Not. À la chance ou quoi, on va écouter ça tout de suite. Là. excellent, hein? Très bon. Très bonne pièce. Maxime Robin, son nouvel album. Moi-même, assez fou, le mercredi, 15h. E3 2.0. Oui, vous aurez l'occasion d'en entendre quelques autres pièces. Et bien sûr, cette pièce-là, parce qu'à date, moi, c'est la pièce qui m'a touché le plus. Mm-hmm. Mais c'est juste que on vient juste de recevoir l'album, donc c'est le temps de s'habituer à ce nouvel album. Et vous pouvez aussi entendre Maxime Robin à sa propre émission Assez fou. Oui, bonsoir. Dans mon siphon. C'est ça. Exactement. C'est bon. Donc, bravo Maxime et continue comme ça et puis bonne chance dans tout ce que tu fais. T'es fin! Non, mais c'est vraiment très, très bon. Oui. Nouvel album de Maxime Robin, ce qu'on vient d'entendre, la pièce, veux-tu nous le dire? Parce que le titre est... Turn off your cell phone, I'm talking to you, damn it. Yes! Ouais! Dans un pas mal la même ordre d'idées, on va écouter Mitra maintenant, qui est un autre créateur de Trois-Rivières qu'on a découvert cette semaine. On a découvert son existence. Mm-hmm. Vous pouvez toujours aller sur son site internet Mitra Musique avec des codes. Et d'affaires. Mitra s'écrit MITHRA MUZIKA. Genre, je pense que c'est ça, Mitra Musique. Mm-hmm. .com. Lui aussi, c'est un gars qui a été influencé par beaucoup la musique normale, parce qu'il appartenait à peu près à une dizaine de groupes avec, comme il disait, beaucoup d'échecs, beaucoup de reprises, beaucoup de déceptions, finalement beaucoup de merde, qu'il nous dit. Et puis que depuis 4 ans, il travaille à ses projets solo. Et puis, c'est ça, il nous a présenté ses albums. Moi, je trouve que ça me fait un peu penser à ce que Maxime fait. Peut-être un petit peu moins dans le planant. Maxime, et même si c'est un peu déconstruit, quand même assez planant. Mitroche découvre carrément cette musique-là, un peu dans la vague de FX Twin aussi. Et je pense que lui aussi a son son vraiment. Ça aussi, je vais l'écouter plus longuement parce qu'on a eu l'album il y a deux jours. Et puis mercredi à E3 2.0, bien, je vais vous en présenter sûrement au moins une ou deux autres pièces et vous parler du gars aussi. C'est à 15h les mercredis, de 15h à 16h. Et j'ai reçu un petit message disant que Maxime Robin va être à l'émission Chaud devant la relève lundi. Donc lundi qui s'en vient, si vous écoutez la rediffusion, c'est passé déjà. Donc lundi à 11h, c'est Chaud devant la relève avec Marie-Ève Raymond et Anaëlle Huez. Tout de suite, Mitra. Oui. Retour à la demi-heure, pousse ta chance, à la chance. Au coureur. On commence le bloc pousse ta chance avec Caddis Fly. Voici Empire à la chance.

Satis Fly, une formation de Portland aux États-Unis dans le bloc Pousse ta chance de la chance aux coureurs. Pour ceux qui connaissent pas encore le bloc Pousse ta chance, c'est qu'on pousse n'importe quel album dans ce qui n'est pas du francophone, ce qui n'est pas des disques qu'on a critiqués, qu'on a écoutés au complet. Donc c'est tout ça. Le reste, on leur donne une pièce et si jamais on aime ça, on en passe plusieurs autres. Donc dans ce cas-ci, on a donné deux pièces à la formation Satis Fly. On a entendu Empire et puis ensuite Campfire. Comme je disais, c'est un groupe de Portland aux États-Unis. Leur album Set Sail the Prairie sort le 6 mars. Ils font dans le rock expérimental progressif. Vous pouvez aller les voir sur leur site cadisfly.com, K-A-D-D-I-S-F-L-Y.com. Et les membres sont 5 humains sur leur myspace.com/cadisfly. Vous pouvez entendre les pièces Empire, Campfire, Silk Road et Five Tears sur leur MySpace. Ils vont être en spectacle partout à travers les États-Unis pendant les mois qui s'en viennent. Voilà pour Cadis Fly. L'album, encore une fois, s'appelle Set Sail the Prairie. Dur à dire, Prairie. Prairie, ouais. Prairie, c'est ça. Prochain groupe qu'on s'en va entendre vient celui-là de Dublin, en Irlande, Dublin. Leur nom, c'est The Frames et leur album s'appelle The Cost, qui va être, en fait, qui est sorti en septembre 2006 là-bas, en Irlande. Leur site web est sur theframes.ie, theframes.ie. Les membres sont Glenn Hansard, Colm McConlomer, Joseph Doyle, Robert Bucknick et Johnny Boyle. Tous les membres de ce groupe-là. Vous pouvez entendre plusieurs de leurs pièces sur myspace.com/ The Frames Official. Voici tout de suite une pièce Falling Slowly. À la chance. Au coureur. Ouais, donc, pousse la chance. Your hopeful voice. You have a choice. You may.

I'm waiting for the ambulance to follow me to town. I'm sitting, wondering, watching for two. This complicated town, spinning round and round. Complicated town. I'm scared. Ooh, what am I supposed to do? I'm in New York City. I'm in New York. And then you're entering the waiting room, assuming that you know. You're doubtful, wishing the doctors would know the remedy. Pièce de Wax Poetic, New York City et Swing Swing du nouvel album Copenhagen. Il y a deux autres albums de Wax Poetic que vous pouvez aller chercher. Ils s'appellent Brazil et puis Istanbul. On voit un thème. Je me demande lequel. Wax Poetic dans le downtempo alternatif trip-hop. C'est de New York aux États-Unis. Vous pouvez aller voir le waxpoetic.net ou myspace.com/waxpoetic. Les membres sont Ellen Erachin, Marla Turner, Thor Madsen, Jesse Murphy et Rohan Rockert. C'est la fin de la chanson coureur pour cette semaine. Danny Janvier, couronnons notre coureur de la semaine. Ben, on a choisi Maxime Robin. Parce qu'il est fin. Ben oui, puis il y a Trois-Rivières, on va au moins encourager notre monde ici. L'album s'appelle Maxime Robin is a Town Tempo Kind Guy. Vous pouvez retrouver Danny Janvier à E3 pour entendre parler encore plus de cet album-là. C'est mercredi de 15h à 16h. Moi, je vous retrouve à La Connexion les jeudis matin et les mardis matin. Et dans La Chanson coureur, si vous avez raté un bout, vous pouvez la réentendre le jeudi de 13h à 16h. Sinon, la diffusion originale, c'est le vendredi matin. Et puis, il y a les Palmarès C'est fou les vendredis soirs de 17h à 20h. Soyez là cette semaine. On va encore passer un petit peu de Maxime Robin vu que c'est le coureur de la semaine. D'ici la semaine prochaine, Rock Classique suit. Sinon, ben, si vous êtes le jeudi, restez là pour l'émission du retour à la maison, les betteraves hurlantes, par excellence. De la part de Danny Janvier, de Mathieu Plante, de toute l'équipe fictive de la chanson coureur, faites attention à vos genoux, bonne journée et bonne chance. Vous en aurez besoin. Encore.